dès le commencement. Oh, je redoute déjà la fin, dans tous les cas, je parviens pas à faire de saut dans le temps. Alors je me dis, eh ben, autant que je tente de faire un arrêt sur image. Mais c'est galère, dur d'y voir à quoi le moment ressemble. Car c'est affolant, je tremble à l'idée de le perdre, qui sait ce que c'est. Rien que d'y penser me fait dériver du reste. Désirer une trêve, ça c'était pas dans le contrat. Et peut-être que ce qu'on racontera tient dans l'étui de mes lunettes. Mais ce qui est sûr, c'est que je mémorise mes amnésies. Je vois que des fils, des scènes aussi. Et ça reste possible que j'apprécie. Je veux pas que se termine l'histoire. Pourtant, parfois il m'arrive de m'enfuir. Mon objectif principal, c'est d'entrer dans un grand 8. Putain de sport intensif. Mais tes fétiches, ça m'épuise. Aujourd'hui, ça me rend triste. Les effectifs se réduisent. Et moi, en beau trisomique, j'tente d'embellir mon historique. Hélas, quand je me dis que nos vies se limitent seulement au synopsis. J'veux encore une histoire. Ouais, encore une histoire. Depuis de péripéties, des étoiles d'intempéries, je vois encore une histoire. J'suis même prêt à bosser pour qu'elle soit blanche ou noire, je veux qu'elle nous marque au fer rouge. Je vois encore une histoire. Ouais, encore une histoire. Rempli de monstres féeriques et de templiers hérétiques, je vois encore une histoire. Viens la répéter sans cesse, c'est comme si un poisson se pointe et crée l'étincelle. Je vois encore une histoire. Je vois encore une histoire, lire ta voix et monter à dos de lune d'ivoire. Quelle qu'en soit la contrée, je veux t'entendre la compter en ayant l'air d'y croire. Réciter sans compter, d'écrire sans faire d'histoire. Et soif de t'écouter, parler à perte d'haleine. D'être un navire foudroyé par une claque de baleine. Pour survivre à l'instant du dernier rebondissement et enterrer le mort de la fin de son vivant. Je vois encore une histoire pour enfuir mon ennui sous un rêve qui s'implante dans l'esprit comme une plante grimpante. À dire vrai, un remont satisfait. Je sais à tes paroles, ce que l'ivrogne est à l'alcool. Je vois encore une histoire. Que dans cette nuit noire, tu brilles comme une arme de chevet. Que tu fasses comme si jamais rien ne s'achevait. Tandis que je boirais tes mon hydromel pour une ivresse immortelle. Je vois encore une histoire. Ouais, encore une histoire. Depuis de péripéties, des étoiles d'intempéries. Je vois encore une histoire. Je suis même prêt à bosser pour qu'elle soit blanche ou noire. Je veux qu'elle nous marque au fer rouge. Je vois encore une histoire. Ouais, encore une histoire. Rempli de monstres féeriques et de templiers hérétiques. Je vois encore une histoire. C'est comme une bibliothèque. Rien que je perds ou que je jette, garde mes livres au sec. Et toi, parce que tu as faim de réciproque commun. Juste après celui que si je réclamerai le prochain. Toi parce que t'as tous les toits pour peupler ton imaginaire. J'arrive à allumer l'étoile de manière quasi arbitraire. Et puis toi quand tu te prends au jeu de ce que t'entends. Je le ressens comme une musique que l'on mettrait en mouvement.